Je m'en fous, tu dois partir. Allez, mais qu'est-ce que c'est pour l'histoire? Mais j'ai, je ne comprends. Des vieux de Cantonio. Les lignes belles. Mais yo, le bilan est en revue le tempo à la compétition. T'es, yo, français, belle boy. Ah. T'es. Libala oyo, na balande makambo, baninga boyo kaneli kambo, ebemi singa motema, tenge oyo pierre asalinga, zambe, na koki kosala ye mabe ya pamba, asuanga bomwana nazali pe na kelasi. Baby, si ma kela si nanga inyoso, apresse kakato banana. Ngai mwasi koya libala, kolia mala mote. Kolata se eteni ya elamba, tangwa nyoso, pasi na pasi. Nako mesa te kitite, soni pena baninga. Soki na kanga ki motema, kaka se koya koli. Nena somi mobile pe ya sika, ah mama. Ndako na ye pe bongi. Alabi nanga yo madame nanga. Je m'en fous, tu dois partir. beli nazangile no mobali e komelinga esoni moye ya kobima te tata.